Tortoli, t'es prêt? Ouais, Arbatax, c'est parti. 1, 2, 2, 2, 3. Tortoli et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Vous écoutez le 105.4, vous écoutez Radio Panique, vous écoutez l'émission Tortoli et Arbatax. Je suis Tortoli, Arbatax. C'est très correct mon cher ami, bienvenue à tous. C'est Radio Panique que vous êtes en train d'écouter, vous êtes branchés sur Radio Panique. C'est le 105.4 FM à Bruxelles, c'est radiopanique.org pour nos amis d'internet qui nous écoutent en streaming quand ça marche. Petite dédicace à la technique. À la technique, tout à fait. Et cette semaine. Cette semaine, je te coupe peut-être. Non, allons-y, on va y aller tous les deux. Bon voilà, cette semaine on est un petit peu dans les travaux, hein, désolé pour, pour la poussière. Il y a de la poussière. Désolé, on a tout pété dans l'émission, Enfin, on a gardé 2-3 bonnes bases, hein. Bon, j'ai gardé Tortoli. Bon. Non, parce qu'on a du mal à se séparer des fois des trucs comme ça. Des fois, c'est un peu moche, mais bon, regarde. J'ai gardé ta voix, mais j'ai changé ton corps. Arbatax. Tu en avais bien besoin, un petit ravalement. Alors voilà, pour expliquer, tout simplement, la maison Tortoli Arbatax ne s'est pas effondrée. On a gardé les murs porteurs, on a gardé les fondations, on a viré la toiture, on a cassé les fenêtres, on a enlevé la tapisserie. Et tout ça, pourquoi? Pour tout faire. Un Beverly Hills radiophonique. Voilà. Une villa de rêve, quoi. Une villa de rêve dans laquelle nous allons prendre place. Bon, en fait, le truc, ça veut dire que on avait notamment l'agenda culturel en plein milieu de l'émission. Pour ceux qui suivent, l'agenda culturel, ça nous prenait 10-15 minutes. On présentait les événements culturels de la semaine à venir sur Bruxelles. On a trouvé que ça faisait une petite coupure dans l'émission. Ça, puis peut-être vous avez remarqué une baisse de niveau hein, ces derniers temps sur cet agenda culturel, peut-être un petit peu redondant. Avant que les auditeurs nous le disent, on a préféré s'auto-censurer, exactement. Et donc on a pété cette chronique, ce qui nous a laissé beaucoup plus de place, et en fait, ça nous a laissé l'occasion de baser notre émission sur 4 événements seulement, mais 4 événements que nous allons explorer à fond à chaque fois. Exactement. Donc c'est comme un agenda culturel qui serait éclaté comme ça tout au long de l'émission. 4 événements, 4 sessions, 4 focus. Voilà, parce qu'aujourd'hui, donc, ça sera sous le thème du focus, un agenda culturel grand comme une émission, mais avec des focus. Voilà, il n'y aura que 4 pages, ça va pas être compliqué à lire. Prenez vos lunettes. On va commencer toujours par les fondations, voilà, le générique. On a gardé la cave, le générique, dans cette période de crise économique un petit peu, hein, c'est pas Dominique Strauss-Kahn qui nous dira le contraire, un petit morceau qui s'appelle la crise économique, les mecs s'appellent les civils, ça date d'une époque que tu connaissais pas, laisse tomber. La crise c'est fantastique, distille. Je vais sentir ce soir, si fort, jusqu'au petit matin. L'agenda cul. L'agenda naturel. L'agenda culturel. Culturel. Le focus. Le focus. Et voilà, puisqu'on vous l'a bien expliqué juste avant ce générique, c'est un focus cette semaine sur 4 événements qui vont se dérouler cette semaine. On vous annonce pas tout de suite les événements, mais sachez qu'en fin d'émission, il y aura des places à gagner pour un des 4 événements. Théma, le suspense. Premier focus de cette série de focus, l'événement de ce soir, mardi 11 octobre. Ce soir, c'est SBTRKT qui est à l'AB, hein, boulevard Anspach à Bruxelles. Ah, répète-moi ça, SBTRKT. Bah ouais, mais comment ça se passe? Je suis obligé de le faire comme ça, il n'y a pas de voyelle dans le. Ah, il n'y a pas de voyelle. Ouais, je sais pas, comment tu le dirais, toi. Subtrack. Ah, ok. Subtrack, c'est dans la lignée des. C'est dans la lignée des producteurs électro. Tel PVT, tel Mastercraft. Ah oui, d'accord. Et tel. D'accord. Ils se font un blaze et ils enlèvent les. Ouais, voilà, ils enlèvent les voyelles. Ils suppriment les voyelles, d'accord. Très bien. Très bien. TRB. N. Donc, Subtrack qui est ce soir à l'AB, je disais. L'ancienne Belgique. Laissez-moi trouver, je vous donne les horaires et le prix tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Subtrack, c'est à 20h ce soir, 12 euros. Voilà, 12 euros en pré-vente, pas de problème. Première partie, Becoming Real. Ah, très bien. Autre DJ, voilà. Qui est ce Subtrack? Qu'est-ce que la contenance, hein, le contenu de sa musique, production, quelle obédience, anglo-saxonne me paraît-il. On va vérifier ça avec un premier morceau. Ça s'appelle Pharaon, Pharaoa, Pharaoh, Pharaoh, je crois. Pharaoh. On s'écoute ça, on vient juste après, on en reparle. C'est Subtrack, vous écoutez Tortolier Arb Attack 105.4. 105.4, mes mères. Stars, open arms, there's God. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et Arbatax. C'est le retour des cow-boys. C'est Radio Panique. De retour sur les ondes de Radio Panique, vous écoutez le 105.4, c'est Tortoli et Arbatax, l'émission du mardi. L'émission de référence. 17h, 18h, juste avant Djibouti. Voilà. Et on est bien, et vous êtes bien, et on était sur le premier focus. Concernant l'artiste Subtrack, le premier morceau qu'on vient de s'entendre, c'était Pharao. On répète, Subtrack, qui est ce soir, mardi 11 octobre, à la baie, à 20h. Voilà, donc Subtrack, bah voilà, vous avez vu à peu près quoi ça ressemble. Dis-nous. Non, mais dis-nous tout, bah oui. Dis-nous tout, mon voilà, petit. Voilà, Subtrack. Donc, hein, je vous dévoile, hein, Subtrack londonien. L'identité. Londonien, et voilà. Bien que, voilà, il se révèle un petit peu, il se reconnaît dans l'école de Chicago, hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'électro, hein, il y a évidemment l'école de Détroit, il y a l'école de Chicago. L'école de Detroit. Voilà, il y a l'école des fans, il y a plein de choses. Mais lui, c'est l'école de Chicago, hein, vous voyez comme je m'y connais quand même. Et voilà, il serait plutôt d'obédience UK Funky, alors celui-là, je l'ai jamais entendu. UK Funky. Il y a aussi, voilà, Dubstep, Two Step, on a déjà parlé de tout ça. Le bonhomme, il a commencé en étant DJ dans un club qui s'appelait Plastic People pour les Londoniens en fait. C'est comme une... ça se situe dans East London. Plastic People, c'est comme un titre de Gorillaz. Dis donc. T'es mal la référence que sors de mon short. Bien joué toi. Eh ouais. Bien joué. D'où te vient tout ce savoir? Bah je sais pas, c'est de ta chevelure rousse. Ouais, Wikipédia, des choses comme ça quoi. Voilà. Un des deux. Et donc ce mec, il s'est lancé dans la production, etc. Et ses premières prods sont sorties dans les années 2009. Ça nous fait deux petites années que le bonhomme tourne et là il explose. Ça va remixer, je pense, à gogo. Le mec a remixé pas mal d'artistes anglais d'ailleurs. Hein, déjà, il a déjà remixé notamment Radiohead, Goldie, Mode Selector. Ça c'est pour Mode Selector, c'est allemand. Ouais. Il a aussi remixé Mia avec le titre anglais. XXXO. Ouais. Mark Ronson aussi, j'ai cru voir. Pony Run. Des Français, voilà. Bon bref, le mec, bah c'est comme ça qu'on commence. On fait des remixes et puis après voilà, on fait des prods quoi. Voilà. Tranquille. Voilà, et voilà, bah, je pense qu'on a tout dit. On va se refaire un petit deuxième quand même, hein, qui est une big tune également, Wildfire. Hein, c'est un remix, il y a deux featuring là-dessus. Ouais, le premier featuring, c'est un rappeur qui s'appelle Drake, D-R-A-K-E. Et le deuxième featuring, c'est la chanteuse de Little Dragon, Yukimi Nagano. Voilà, rien à voir avec les Jeux Olympiques. Ici à Nagano. On pouvait pas y échapper. Voilà. Et le single s'appelle Wildfire. Et voilà, on va s'écouter. Voilà, toujours Subtrack. Restez connectés sur le 105.4. C'était le premier focus. On revient juste après pour la chronique de l'expression de la semaine. Tu veux dire, c'était le premier focus. What's up? Real nigga doing real stuff. Get a lot of money, you can never get enough. And you know the new shit sounds so tough. So-and-so just walked in, so what? I don't really vibe with a lot of these niggas. I ain't really into giving more than one chance, girl. I already tried with a lot of these niggas. Fuck that. That team don't know real, what's that? That can't be from here. That can't be what they believe in is the best shit of the year. That's that fake shit, that's that fake shit. That's that top row of veneers. Just when they get in impatience, when I make it world premiere. Ah, damn, word, award show's coming. Make sure you spell the shit right. Make sure to give me all the credit I deserve. Make sure the good stuff's still in that Sprite. They watch us make this shit into a song. You ain't living that, boy. Stop stealing that life. Anything can happen when I do see y'all. Guess it all depends how I'm feeling that night. Okay, live my life in hotels. Bitch, better have my room right. If they kill me, bury me a legend. Bitch, better have my tomb right. This is perfect for the women that I've loved before. I love them all. I just love me more. I could bet all of the riches that I ever had. Rushing the night like a shark, babe, would it be bad? If I had to sit the line, cause it feels that I run up my back. You must die, nothing else can leave me off track. Yeah. that I ever had. Fresh in the night like a shark, babe, would it be Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Yes, I. Et voilà, cette petite musique qui nous rappelle que c'est la chronique de l'expression de la semaine. Oui, mais voilà, aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque c'est la mort dans l'âme que nous devons annoncer la suspension provisoire de cette expression. Car des fraudes ont été révélées. Des fraudes, voilà. Des fraudes caractérisées. Des fraudes d'une extrême gravité. Voilà. Tortoli, tu n'es pas un petit peu loin, tu n'es pas inséparable de étranger. Cette histoire. Tu n'es pas étranger. Je ne suis pas étranger comme tu n'es pas foreign de cette suspension. Voilà. J'ai fraudé, t'as fraudé. Bref, on se disqualifie nous-mêmes. On arrête cette chronique. On va la suspendre. On est exclu. Étant donné la médiocrité, le niveau des expressions qui ont été proposées ces dernières semaines, avons décidé avec tout le communisme, communion, avec toute la communion de Radio Panique, communauté et des gens qui entourent Tortoli Arbatax, de suspendre cette chronique. Donc voilà. Alors le pire, c'est que c'est nous-mêmes qui nous sommes rendus compte, qui supprimons cette chronique. Et c'est pour vous dire que quand on se rend soi-même compte de la médiocrité de quelque chose, c'est quand même qu'on en est arrivé loin. Donc on ne vous remercie pas de nous avoir pas prévenus. Ouais, merci de nous avoir laissé nous enfoncer dans cette chronique. Bande de petits. Un peu bancal. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bon, bref. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, on va quand même annoncer les scores de la semaine dernière. Voilà, on va finir ça proprement, hein, histoire de jeter ça aux oubliettes. Alors, la semaine dernière, hein, pour donc la dernière proposition de clash d'expression, tu défendais sans canailler. Et puis moi j'avais tu m'étonnes John ou à la tienne Étienne, enfin bref, le prénom qui suit un truc qui moi je pense que c'est aussi la faute à ta dernière expression là. Oui, je crois que ça a été la goutte d'eau quoi. Le cool Raoul, pas de taxe à Arbatax, tout ça. Non c'est voilà, mais annonce quand même les scores sans canailler, je pense que t'as trois potes hein, que t'as bien, tu leur as glissé un petit billet dans la poche, ils t'ont fait gagner. J'ai 3 points. T'as une voix de plus que moi. Tu m'étonnes, John était relativement bien trouvé. Hein, j'ai même des auditeurs qui ont proposé Cool Raoul ou Pépère Norbert, ça c'était bien cool. Bref, j'ai perdu et on a tous perdu. Cette chronique s'arrête. Voilà, c'est la fin. c'est la fin de l'expression de la semaine. Ça reviendra peut-être hein, quand on aura des bonnes idées, mais c'est peut-être un manque d'inspiration qui. Il faut le dire, il faut l'avouer. Non, voilà. Mais elle n'est pas morte. C'est simplement c'est une suspension provisoire. Je veux dire, on va se remettre en place. On va. Je lis bien ou pas ? Je sais pas. Pas trop. Et bref, on va finir les travaux, on va bricoler cette nouvelle émission et peut-être ça trouvera sa place sur une petite étagère dans l'émission Tortolière. On va pas se forcer à trouver des expressions chaque semaine, on va attendre. On va attendre. Alors je crois qu'il est temps de passer tout simplement au deuxième focus de cette semaine. Un peu cumbia, vous allez voir. La jardacule. Culturel. Cucu. Culturel. Le focus. Ah, on le fait bien. Alors le focus un petit peu cumbia, ouais, un peu cumbia. Et donc ça fait référence à l'événement, je dirais avec une majuscule, demain, mercredi 12 octobre, au Recyclard, gare Bruxelles-Chapelle. Voilà, gare de la Chapelle. Des Ursulines, en tout du skatepark, en bref. Il y a Celso Pina qui vient avec son accordéon. Surunda Bogota. Et voilà. C'est ça. Son groupe, Surunda Bogota. Je te coupe la parole volontairement. Hein, parce que moi, je vais dire quelque chose de mieux, je pense. Donc, Celso Pina, on a déjà parlé. Ah, je t'ai coupé la parole. On a déjà parlé dans l'émission. Et oui, parce que récemment, là, on avait fait des petites émissions un peu cumbia qui partaient un peu soleil. Et Celso Pina était déjà passé. Il était déjà présent. Dans l'émission. Et ben, le voilà à Bruxelles. Demain, j'ai pas les prices. Moi, j'ai les prices. C'est démocratique, c'est abordable. C'est bien sûr, c'est démocratique. Il n'y a pas trop d'argent. Nos auditeurs, je pense qu'on n'est pas trop oui, dans je suis au courant, c'est d'ailleurs pour cela qu'on offrira des places pour un autre événement que nous présenterons plus tard dans l'émission. Il se trouve que Celso Pina, demain au Recyclard, ça vous coûte 8 euros, il n'y a pas de prévente, donc c'est le soir même, vous pointez, vous lâchez votre billet de 8 euros et vous assistez à l'événement avec un grand H. Ah ouais, j'ai eu lui dire qu'il y aurait pas mal de monde. Donc oui, il voilà, y a des quarts de Mexicains qui arrivent tout droit du Mexique. Donc, arrive pas avec ta banque contact, ils ont pas la banque contact. Hein, donc je te préviens, arrive direct avec du cash, une binouse dans l'autre poche et tranquille, mimille. Et tu rentres. Tranquille. Bon, plutôt qu'un long discours, je dirais qu'un petit morceau expliquera mieux le quoi du caisse de Celso Pina. On s'écoute Cumbia sobre el Rio. On reparle de Celso Pina, on se refera un petit morceau juste après ça. C'est bien ou pas? C'est bien, c'est Tortoli, Arbatax, 105.4, Radio Panique. Trop. Celso Piña. Celso Piña avec le titre Cumbia Sobre El Rio. Un titre qui était, que vous avez sûrement découvert en regardant le film Babel. Oui. Issu du film Babel, voilà. Ce titre, Cumbia Sobre El Rio, Celso Piña, c'est le focus. Un des focus de cette semaine. Focus. Vous écoutez Tortolier Batax, on est sur un focus Celso Piña, puisque demain. Laisse-moi parler si tu sais. Il sera en concert. C'est ça l'événement. Hein, le concert demain au Recyclard. Recyclard demain soir. Voilà, Recyclard. On ne répète pas ce qu'on On répète pas, on va plutôt parler de. Celso Piña, le petit bonhomme, il vient d'où? Il vient du Mexique, hein, le bonhomme. Mexicain, la ville, on en parlait avec Tortoli. En fait, il vient exactement de Monterrey, peut-être en anglais, peut-être en mexicain, Monterrey, je sais pas. Monterrey, je dirais communauté urbaine du Mexique, hein, dans les 1,7-1,8 million d'habitants. Les mecs qui n'ont pas pompé Wikipédia. Voilà, donc il vient de là. Le mec faisait plutôt de la musique traditionnelle à la base, hein, avant les années 80. Autodidacte dans l'accordéon, il a suivi aucune école, il a appris tout seul. Il est multi-instrumentiste aussi. Dans les années 80, il a commencé à partir sur un style tropical. La musique traditionnelle s'est mêlée au ska, au hip-hop, au reggae, etc. Ça donne un style tropical. Et puis on en est arrivé à la cumbia, qui fait des ravages aujourd'hui. Du coup, Celso Piña, c'est un des boss. Hein. C'est je pense qu'il y a un maximum de respect dans le monde de la cumbia. Si t'es dans le supermarché de la musique et t'arrives au niveau de la cumbia, et bah lui, il est tête de gondole. Il est tête de gondole. Et voilà, Celso Piña dit aussi El Rebelde de l'accordéon. Quand même. Donc on pourrait traduire par le Lorenzo Lamas de l'accordéon, le rebelle. Voilà, le Roberto Carlos de l'accordéon. Voilà, bah c'est bien, mais je pense qu'on a bien compris le concept. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. On va même se recaler un petit morceau. Le morceau suivant s'appelle El Tren, et on se rejoindra du coup juste après pour une nouvelle chronique, les amis. Pas dégueulasse. Un nouveau. Ah ouais, une nouvelle chronique. Ah ouais, quand même. Pas mal. Ah ouais, on refait tout. Celso Piña, El Tren. Mais c'est toujours Radio Panique et c'est toujours le 105.4. Stay tuned. Mañana pa'l norte paso del tren, mañana pa'l norte paso del tren. Se va mi amorcito y con él me iré, se va mi amorcito y con él me iré. Duro en la cena y mami, ven. Yo soy con las que bring to the train. Digo, como la ve. Sonidero nacional, thank you for your pain. Rock it. fin de la fiesta en un santiamén. Amén. Dale duro al guacabén, se brinda man. Si tú te pido, busca cumbia man. Foxter y latino, busca cumbia man. Báilalo en la esquina, busca cumbia man. Dale duro al guacabén, busca cumbia man. Si tú te pido, busca cumbia man. Foxter y latino, busca cumbia man. Dale duro al acordeón, la epochema. Como bacalán, tremendo galán. Dancing with the ladies, Celso Piña, Mr. Cumbia Man. T'aimes pas? T'aimes pas? C'est la chronique du t'aimes ou t'aimes pas. C'est une nouvelle chronique, c'est ça. Bon, le jingle est encore à travailler apparemment. Hein. Bon, de toute façon, c'est. Ouh. Ouais, mais il y a peut-être un jingle à travailler, mais il y a des instrus derrière qui sont bien léchés. Et il y a surtout un objectif, une mission. Hein. Donc en fait, ce qu'on vous propose dans cette nouvelle chronique, je ne sais pas quelle chronique elle remplace, je ne sais pas. Enfin bref, c'est tout neuf, c'est une nouvelle pièce dans la maison Tortelière Batax. C'est une sorte de véranda. Hein. C'est la véranda. Là, c'est l'ouverture au public. On se fait plaisir. On s'ouvre un petit peu vers vous. Là, c'est une baie vitrée littéralement ouverte sur vous, chers auditeurs. On vous propose de choisir le thème de l'émission de la semaine prochaine. Ah oui, c'est du niveau. On retrouvera à la fois des musiques allant avec ce thème, mais aussi tout l'habillage de l'émission. Voilà, donc c'est ça. Hein, ça, c'est Tortelière Batax automne-hiver. Ne nous remerciez pas, c'est normal. Écoutez plutôt. C'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est ça. Hein. C'est ces gens qui choisissent pour d'autres. Voilà, tout à fait. Bon, on aura peut-être une manifestation d'indignés malgré ce semblant de démocratie. Je veux pas le savoir. Bon, en quoi ça consiste? En gros, moi, je vais expliquer un thème. Je propose un thème pour la semaine prochaine. Tortoli, tu propose. Tout. Un thème également. Les auditeurs qui votent. Et puis on fera en fonction pour la semaine prochaine. Classique, très bien. Nickel. Est-ce qu'on a le droit à une petite instru? Ah, c'est à moi de commencer. Voilà, c'est à toi de commencer, je te donne 30 secondes. Je suis pris un peu à court là. T'as tes arguments, j'espère, dans ta poche. Top, c'est parti. J'ai tout dans la tête, attendez. Donc 1595, Marignan. Non, c'est... Je propose une petite émission Clash Paris-Marseille pour la semaine prochaine. Clash bien connu dans le football français, mais aussi dans la culture un peu nord-sud comme ça de la France, etc. Paris-Marseille, tous les chocs des cultures à centraliser dans cette confrontation Paris-Marseille. Voilà, on vous encule, on t'encule, machin, chacun se répond comme ça. On va le faire la semaine prochaine. Je pense que ça va être une bonne émission, il y aura de l'accent, il y aura du soleil et puis il y aura du clash et tout sera bon. Moi, je pense que c'est vraiment le thème qu'il faut choisir pour la semaine prochaine, un bon clash Paris-Marseille nord-sud avec pas mal de musique. Si je peux encore parler, non, ça va péter. Vous avez coulé votre temps de parole, cher Arbatax. Moi, je pense que j'ai fait passer le message, je pense. Simplement, un des messages à faire passer, c'est aux auditeurs de voter si vous voulez retrouver la semaine prochaine le thème Paris-Marseille qui a été proposé ce jour-ci par Arbatax dans la nouvelle chronique dite thème. T'aimes pas. Le thème que t'aimes. Voilà. C'est simple. Tortoli, je vais vous laisser également 30 secondes. Plus ou moins, de toute façon c'est moi qui choisis, j'ai le bouton dessus. Vas-y, il y a pas de plus ou moins 30 secondes, je couperai quand je voudrais pour expliquer votre thème pour la semaine prochaine que vous proposez. Alors, le thème que je propose cette semaine, c'est un thème à double tranchant, c'est comme un couteau, c'est mode et mode. Mode au singulier et mode au pluriel. Je m'explique, cinq arguments qui ont été placés dans un tableau Excel. Alors, le premier argument, la mode fashion, vestimentaire, capillaire, moustache, tout ça. Il y aura de ça dans l'émission prochaine, si vous choisissez ce thème. Mode, toujours, avec mode selector, groupe allemand, il y aura donc un peu de mode selector. Pas mal. Troisième argument, à la mode des choux, à la mode. À la mode de chez nous. Oui, voilà, que vous connaissez bien, c'est le troisième argument. Le quatrième argument, en mode. Ça, je vous laisse deviner ce que c'est. En mode. Et le cinquième argument, je finis très rapidement, c'est mode comme moderne. Ou attention, je crois qu'il vous arrive à la fin de votre temps de parole, monsieur Tortoli. Attention, ça va péter. Just in time. Just in time, Tortoli. Ben, je crois qu'on a bien compris. Mode, quoi. Ça me rappelle quelque chose, hein, mode, hein, sans changer les archives. On retourne sur le... Il y aura quelques éléments. Voilà. Nickel. Donc, pour ce faire, vous votez pour le thème que vous préférez, soit le thème d'Arbatax, à savoir Paris-Marseille, soit le mien, moi-même, Tortoli. Mode, ça se passe sur Facebook, Tortoli, Arbatax, n'hésitez pas, vous lâchez votre thème préféré pour la semaine prochaine, on bricolera quelque chose, sinon mail, si vous n'avez pas Facebook, c'est pas grave, vous êtes tout pardonné, tortoli@gmail.com, n'hésitez pas, on compte sur vous. On repart sur un nouveau focus. C'est parti. Le genre culturel. Le focus. Troisième focus de cette émission. Alors que nous sommes déjà, on a largement piété sur la deuxième mi-temps de l'émission. On va faire vite. Le Ziné Gloob. Demain, hein, toujours mercredi 12 octobre, la petite association du cinéma Randbert, l'association un petit peu des Jones qui propose un film une fois par mois. Bref, on ne les présente plus, on en parle assez souvent dans cette émission. Vu que demain c'est le deuxième mercredi du mois et qu'ils nous ont fait, une petite feinte. La semaine dernière, donc c'est ce mercredi demain qu'il propose une séance. Ça s'appelle No Distance Left to Run. C'est un documentaire demain. Hein. C'est 5€, c'est à 19h. Alors ce documentaire, en fait, il retrace l'histoire de Blur. Blur, le groupe anglais qui on les suit depuis la fin des années 80, depuis leur naissance jusqu'à 2009, où ils étaient revenus pour une tournée triomphale, et notamment Glastonbury, un concert à Hyde Park, etc. En fait, ça retrace les hauts et les bas du groupe qui avait connu quand même pas mal de bas à partir des années 2000, alcool, etc. Je vous fais pas le topo. Donc voilà, et donc il y a des interviews exclusives, des images exclusives, des archives, concerts en live, etc. Donc bon petit documentaire. Donc, c'est le troisième focus, c'est Blur. Et là, on écoute Boys Girls. And Girls, Girls and Boys. C'est comme tu veux. Bah, The Ladies First, toujours. Girls and Boys, Blur. Avec le morceau Girls and Boys, les quatre membres de Blur, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree. Le groupe Blur qui revient et qui sera présent demain via le documentaire No Distance Left to Run au cinéma Arambert, 19h, 19h, 5€ et pas l'inverse. Ça fait plaisir, c'est Tortelière Batax et on passe au focus numéro 4. Un focus agenda cul. Cucu. Cucu. Agenda cul. Tutu. Tu rêves. Agenda cul. Agenda culturel. Le focus. C'est le quatrième. Ouais, ouais, vous avez peut-être déjà deviné. Voilà, c'est ça, vous avez peut-être déjà deviné de quoi il s'agit dans ce quatrième et dernier focus de cette émission. En fait, on va parler de Grammatique. Grammatique, DJ, producteur slovène, qui se produit ce samedi au Claridge. Donc, Grammatique au Claridge. Claridge, c'est Chaussée de Louvain, pas très loin de la tour Madou, à Bruxelles. Enfin, exactement même à Saint-Josse-ten-Noude. Ten-Noude, exactement. Ouais. Et le price, c'est 13€. C'est de source sûre. Hein. Là, je... c'est de source sûre, exactement. Vous pouvez demander à ma bon contact. Et voilà, et alors la big nouvelle, Tortoli, je te vois trépigner, vas-y. Je trépigne, et parce que l'instant est grave, l'instant est important. Chers messieurs, dames, auditeurs, auditrices, vous avez la possibilité d'assister à ce concert de Grammatique. Parce que Tortoli Arbatax vous offre deux places. Voilà, une pour toi, Royal. Et une pour toi derrière. Une pour moi ? Non, pas pour toi, le mec derrière. Je m'en fous, je l'ai déjà. Voilà. Le but est simple, tu marques Grammatique, Grammatik, sur le mur de Tortoli Arbatax, ou tu nous envoies un mail à tortoliarbatax@gmail.com. T'envoies simplement ça, avec tes coordonnées, ton nom, ton prénom, je ne sais pas, la taille de ton petit doigt, tout ce que tu veux. Et tout ce qu'il nous faut, nous, voilà, mensuration. C'est le nom Grammatique. Il nous faut ça, et aussi tes coordonnées si tu veux rentrer. De là, on va te contacter, puis tu rentreras pas, on verra. Tu rentres pas, t'as des copines, t'as pas de copines. On s'arrangera. Bref, on s'arrangera. Grammatique, en tout cas, ça fait bien plaisir. Vous avez peut-être reconnu le morceau, c'était déjà passé il y a un petit bout quand même. Quelques lustres un dans l'émission bout, de Tortelière Batax. Une fois n'est pas coutume, on se le repasse. Ça s'appelle It's a Jive. On se repasse un petit bout et puis on va reparler de Grammatique quand même. Autant faire ce peu. Bah oui, parce que c'est samedi. Quand même. C'est samedi. Yes, Grammatique sur Radio Panique. Get that dive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown to see a man that ain't got time to change your head. Get that dive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man. Shake your head. Hit that dive jack. Put it in pocket till I get back. Going downtown to see a man that ain't got time to shake your head. Hit that dive jack. Put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man that ain't got time to shake your head. Deuxième titre de Grammatique, ça s'appelle Who Got The Joyce. Grammatique qui sera en concert ce samedi au Claridge, Chaussée de Louvain, On vous fait gagner des places, envoyez grammatique sur le mur Facebook ou à notre adresse Gmail, tortolierbatax@gmail.com. Pas mal. Et voilà. Il reste plus qu'à envoyer la tune. On envoie la tune. Écoute l'instru, c'est pas dégueulasse. Et on se reparle juste derrière. Grammatique, Tortoli, Arbatax, la bonne équipe. 105.4, Radio Panique. Iconique. Iconique. Grammatique, ça n'est pas gravissime, ça n'est pas gravatique. Grammatique, jeune DJ slovène qui nous gratifie de cet instru terrible, fat, j'ai envie de dire. DJ slovène, 4 albums déjà, il est présent ce week-end, samedi à Bruxelles au Claridge. N'oubliez pas, on vous fait gagner 2 places dans Tortoli et Arbatax. Il suffit de nous envoyer un petit mail à tortoliherbatax@gmail.com ou sur notre Facebook Tortoli et Arbatax. T'envoies grammatique, je te rappelle l'orthographe, G-R-A-M-A. T-I-K. Yes, I. T'envoies 2 places, t'envoies grammatique. et nous, on vous envoie une place chacun. Ce sera en envoi séparé. Voilà. Ouais, fat instru quand même. Hein. Me fait bien plaisir. Très loin. Je crois que samedi, je serai pas loin de. Ah, tu seras là. Ouais, je serai pas loin de la scène, je pense. Je serai pas loin des enceintes. D'accord, très bien. Ça fait bien plaisir. Allez. Ça fait plaisir. Bah, c'est la fin de l'émission. Ah, oui, bah, pardon. Non, mais là, non, parce que là, j'avais juste jeté un petit coup d'œil. Et là, je suis obligé de te dire que c'est la fin. Ok. Malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tortoli et Arbatax, l'émission radio idéale pour passer l'aspirateur. Au boulot, les feignasses. Boum, boum, bam, bam. Eh oui, c'est avec un petit peu d'amertume au micro. Ah, il a de l'amertume. Eh oui, bien sûr. Il n'y a pas que de l'amertume sur le micro. D'amertume. Pardon. Et voilà, on approche de la fin de l'émission. On s'est fait plaisir avec ces quatre focus. Vous réécoutez cette émission quand vous voulez, les amis. Vous la partagez avec qui vous voulez. N'hésitez pas. Vous nous retrouvez sur Facebook. Vous nous retrouvez sur radiopanique.org. Les playlists, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de voter pour le thème de la semaine, Tortoli, enfin de la semaine prochaine, je précise. Ah oui, parce que non, il faut pas que les gens se confondent. Mon thème que je proposais cette semaine, c'était le thème mode et mode. C'est mode avec sans S et mode avec un S. Toutes les modes. Je vais pas vous refaire le Tortoli topo. Tortoli n'est pas discriminant. Toutes les modes sont représentées dans Tortoli. Il y en a pour tout le monde. Ça donne ce que ça donne. Mais et moi c'était une émission basée sur le thème Paris Marseille. Voilà. Une émission un petit peu clash comme ça entre les deux villes. Vous votez l'émission, le thème qui reçoit le plus de votes façonnera un petit peu l'émission de la semaine prochaine. On prépare ça avec beaucoup de plaisir. Non mais c'est dégueulasse ce que je viens de dire. On dirait Pascal Brunner. Dans Facile à chanter. Dans Facile à chanter. Avec beaucoup de plaisir de vous retrouver. On dirait un vieux chroniqueur prochaine. Assis sur le canapé de Michel Drucker le dimanche après-midi, quoi. C'est vrai, ça. Mais mets-toi debout, gamin. Dégueulasse. Bon, et puis, on se quitte avec un petit peu de soleil. On a décoté un vieux morceau là de 1976. Le mec s'appelle Crystal Grass. Et en fait, c'est disco et une remix. Vous allez sûrement reconnaître. Deux morceaux de George Eben, le Brésilien. Deux morceaux qui sont Fio Maravilla et Taj Mahal. Le morceau date de 1976. On dit 76 ici. Ma gueule. Et le groupe s'appelle Crystal Grass. Voilà. De l'herbe cristal. Moi j'ai déjà mes petits mocassins pour danser sur le dance floor. Nickel. On vous laisse tranquillement avec Djibouti qui prend place dans les studios de Radio Panique 105.4. On se retrouve la semaine prochaine. Tortoli, big up. Salut. Moi, je range mes fiches tranquille. Ah, ok. Allez, au revoir. J'étais en train de faire la bise avec Djibouti. À vous les studios. Je m'acoquinais. Au-dessus, c'est le soleil.